Ici Jean-Pierre Boivin, préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine. Notre MRC possède un des plus importants parterres forestiers du Québec. Que ce soit pour le travail ou les loisirs, l'avenir de la forêt repose sur son usage multi-ressources. La forêt, c'est notre richesse. À nous de la protéger. Soyons-en fiers. On va parler de la Ligue Senior. C'est un dossier que je veux suivre pas mal ce printemps. On sait qu'on a eu des annonces, une annonce il y a deux semaines pour savoir qu'on était intéressé à lancer une Ligue Senior. Et on va savoir, depuis ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé. On parle avec le promoteur de cette nouvelle Ligue, Bob Desjardins. Salut, Bob. Salut, Danny. Ça va bien? Oui, ça va bien. Ça va bien. Bob, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, qu'est-ce qui s'est passé? Ben écoute, il y a pas exemple, j'ai pas 10 000 nouvelles à te donner, sauf que tout le monde au dernier meeting qu'on avait eu le 14 mai, on s'était parlé par rapport à la Ligue Senior. Il y a des intervenants qui étaient venus à la réunion. Là, on se réunit le 28 mai, encore une deuxième réunion avec les mêmes intervenants, des nouveaux aussi. Alors on lance pas mal de perches de ligne à l'eau, si on peut dire, là. Et puis après ça, on va voir qu'est-ce qui va débouler de ça. Mais à date, de qu'est-ce que j'ai entendu parler là, dans les gens respectifs qui avaient leur équipe, là, c'était positif et que ça regardait super bien. Là. Et donc, les six équipes, les six marchés, que c'était positif ou il y en avait que ça tirait un peu de la patte? Ben, c'est sûr que nous, on visait deux équipes au Saguenay, deux équipes au Lac, une à Charlevoix, puis une dans le Haut-Côte-Nord, la Sacré-Cœur. Ouais. Ben là, t'as une équipe là qui s'est rajoutée, le petit Saguenay, qui s'est rajoutée. Puis je te dis juste ça, là, c'est pas une blague. Il y a même une équipe des États-Unis qui nous a appelé, mais là, on leur a tout simplement dit que c'est un petit peu trop loin pour nous autres, là. Alors, garde, tu vois, l'engouement est là, puis tout ce qu'on en parle, tout ce que c'est, puis au cours des prochains jours, en plus, vous allez voir un bel article là, dans le quotidien là, du Saguenay, le Lac Saint-Jean, qui va paraître là, pour notre ligue. Alors, c'est comme je te dis, c'est positif, mais c'est encore un petit peu la table à dessin, comme je te dis, là, par rapport. Si moi, je vis 6 équipes. Si on en a 5, on va en avoir 5. Si on en a 4, on en aura 4. L'important, c'est de démarrer avec des équipes en santé. Pour ouais, pas que, justement, là, okay. À la période des fêtes, là, cette équipe le lâche, mais regarde, écoute, c'est le but. C'est le but de faire des pourparlers pour partir cette ligue-là, puis après ça, mais on s'ajustera en cours de route, puis année après année, mais ça va bien, mais il y a des villes qui vont se rajouter, puis okay. C'est ça un petit peu les ligues seniors de certaines façons. Moi, j'ai fait mes devoirs de journaliste et j'ai pris des informations du côté de Dolbo Mistassini et pour savoir s'il y avait eu des pourparlers vérifier les... parce que je sais très bien que c'est Dolbo Mistassini est visé là-dedans. Hein. Je sais même qui est en arrière du projet de Dolbo Mistassini. Je me suis informé à la ville de Dolbo Mistassini si on avait pris nos devoirs, si on avait vérifié les disponibilités. C'est la première affaire lorsqu'on part une ligue, là. Disponibilité des arénas. Le Richard Sportif m'a mentionné qu'il n'y avait même pas eu d'approche encore. Et non seulement il n'y a pas eu d'approche, mais il y avait eu une réunion de toutes les arénas une semaine après qu'on s'était parlé, puis il n'y en avait pas été question. OK, ben là, ça, je peux pas te répondre de pour ça, parce que je suis pas dans ce dossier-là, moi, à Dolbo, Mistassini ou peu importe. La personne visée, là, c'est vous la connaissez sûrement très bien, là, c'est Nicole Villeneuve avec Pierre-Olivier Nault, qui est en arrière du projet. Okay. Je sais qu'on parlait de Dolbo Mistassini, on parlait même de Normandin, on parlait même de Chibougamau aussi à un moment donné. Ouais. Alors c'est pas vraiment une ville visée, sauf que, comme je te dis, là, présentement, là, je pense que les personnes ressources se renseignaient plus avec les joueurs à savoir s'il y avait de l'intérêt. Je pense que c'était très positif de ce côté-là, autant pour nous au Saguenay qu'à Charlevoix et à Sacré-Cœur. Alors, regarde, écoute, je te dis, on est encore un petit peu loin de ça, Danny, pour tout vérifier ça, mais comme je te dis, là, si on se parle à tous les deux jours, j'aurais peut-être pas des bonnes nouvelles de ce côté-là, des nouvelles récentes, comme on peut dire. Ça fait deux semaines que c'est pas parlé. Je peux te dire que, regarde, ça l'avance d'une certaine façon, puis vous allez sûrement avoir d'autres nouvelles après ça, le 28, là, dans la, dans la première semaine de juin, là, on va savoir avoir des bonnes nouvelles de ce côté-là. OK. Maintenant, il y a quelqu'un qui est dans le Seigneur qui m'a dit, qui a déjà été dans le Seigneur, qui m'a dit, ça, c'était un beau gros projet, puis c'est bien le fun, puis c'est bien louable, mais les problèmes arrivent. Il m'expliquait les problèmes. Il dit, ils disent qu'ils ne sont pas payés, les joueurs, mais c'est des dépenses. Et là, ce qui va arriver, là, il y a un joueur qui va être obligé de manquer du travail parce que parce qu'ils vont jouer à Dolbeau, puis c'est une équipe de Jonquière, donc il est obligé de manquer du travail. Il va demander 200$, il va demander une compensation. Un autre va demander d'y acheter des patins. Un autre va demander d'y acheter des hockey. Il dit, ça finit plus, puis ça finit que c'est... ça finit plus. Je sais pas quelle personne peut t'avoir dit ça. Probablement, c'est un ancien propriétaire de Nick Seigneur qui peut t'avoir dit ça, là, dans le temps, puis qui ont fait faillite parce que, justement, ils payaient leurs joueurs 200-300$ de la game. Nous, on n'en veut pas de ça. Puis de toute façon, depuis que tu me parles tantôt, c'est juste du négatif que tu peux dire, là, par rapport à non, ça. Non, je te mets de l'autre côté. Là, tu parles d'argent. Garde, écoute, Danny, moi, là, ça me tente pas de pelleter des nuages, pas pelleter de nuages. Moi, je te dis les vraies affaires. Puis, garde, écoute, on n'en veut pas des gars salariés. Puis s'ils veulent se faire payer, ben, ils iront jouer chez eux. Okay. Puis avec une liste de protection de 30 joueurs, mais on va en avoir des gars disponibles. Puis si les gars veulent travailler, mais ils iront travailler. Puis c'est une ligue senior régionale. Okay. Tant t'embarques d'une ligue de garage, là, ouais. Tu joues le mardi, mercredi, exemple, je sais pas, à l'aréna de Dolbeau, tu travailles six chiffres, mais de temps en temps, t'es pas là, mais il n'y a pas eu de DPE pour te remplacer. Fait que on ferait même affaire dans la Ligue senior régionale. Puis regarde, écoute, moi, là, que les patins puis tout ça, là, s'il y en a qui veulent aller se jeter en bas du pont, c'est pas moi qui vais les obtenir, mais c'est à eux autres les arrêts d'une certaine façon. Puis regarde, écoute, je pense que les personnes qui sont là, ils sont bien conscients que si on commence à payer des gars, puis on paye des gars de l'extérieur du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais c'est là que ça se fait mal. Ben oui. Le monde, il en veut du hockey senior, on va en faire. Moi, je vais gérer ça d'une certaine façon. Moi, je veux même pas coacher, je veux même pas gérer. Je vais être, exemple, le commissaire, puis si je vois qu'il y a une équipe qui paye des joueurs, mais ce gars-là va être suspendu, puis l'équipe va être mise à l'amende. Il va avoir des règlements. Tout se sait, de toute façon, dans la vie, tout se sait. Alors, regarde, il y a peut-être une bonne structure, puis c'est... de bout des règlements, mais il n'y a pas personne qui va exagérer de ce côté-là. Non, c'est parce que ça, là, je t'ai fait voir l'autre côté, mais d'un autre côté, je vais y aller plus positivement, parce que ça fonctionne en Mauricie, ça, où il y a un bordel, mais semble-t-il, ça n'a aucun lien. Au Richelieu aussi, je pense qu'il y a une Ligue senior dans le coin de Richelieu aussi. Donc, faut pas commencer à se comparer aux autres. Si les autres, ils le font, ça ne veut pas dire que nous autres, on est obligés de le faire. Okay. Moi, je pense que si un gars paye 4, 5 ou 600$ par année pour jouer dans une ligue de garage, comme on dit, mais là, le gars, il payera pas pour jouer. Il va être du bon qui est structuré. Il va avoir de l'équipement fourni par rapport, je sais pas moi, au chandail qu'il n'a pas besoin de payer, au bas, peu importe l'uniforme, la table plastique, table couleur. Je sais pas comment les organisations peuvent ranger ça. Mais je sais qu'il n'y aura pas de salaire. Ça, j'en suis convaincu. Et puis, il n'y en aura pas de salaire. Puis si les gars veulent avoir des salaires, mais on n'en partira pas de ligue. Puis après ça, ils diront qu'on n'a pas personne pour essayer de partir des ligues seniors dans la région. OK, OK. Si on y allait maintenant avec... vous donnez combien de temps? Là? Tu dis go, on y va, go, on y va pas. On se réunit encore le 28 mai, dimanche, dans deux semaines. On se réunit dans deux semaines, dans moins de deux semaines. Là. Ouais. On se réunit. Il y a des nouvelles personnes qui vont gérer là. Tu checkeras l'article demain dans le journal. Là, ça va tout t'expliquer un petit peu d'une certaine façon. Ben, tu sais, il y a des gens qui veulent se joindre au projet pour créer cette ligue-là, mais ils vont être les bienvenus. Avec les idées, moi, je ne bats pas la porte à personne, je ne ferme pas la porte à personne. Si on est plus de personnes de qualité en entour de la table pour se partir une ligue senior, mais mieux c'est pour ça. Moi, je fais pas ça pour de l'argent. Non. Je fais pas ça pour des riches d'une certaine façon. Je fais ça pour donner du hockey à ces jeunes-là qui ont le goût de jouer au hockey à 22 ans à mon temps. Alors, pour moi, c'est ça qui est le plus premier. Il va-t-il avoir une limite d'âge de non. Non? OK, un gars de 40 ans pourrait jouer. On veut pas se mettre des barèmes là-dessus parce que, regarde, on commencerait pas à donner... si un gars de calibre, puis son dit une limite de 40 ans, puis le gars, il a 41 ans, puis il est capable de jouer dans du bon hockey. À 41 ans, t'es pas encore fini, t'es encore capable de jouer au hockey dans un certain calibre, puis regarde, on veut pas se borrer. Sauf qu'il va avoir un âge minimum, ça va être 22 ans, par exemple. Ben, en fait, c'est la suite de la Ligue junior. T'en plein ça, on veut pas enlever des gars aux Ligue junior à 21 ans, alors ça va être 22 ans jusqu'à temps que t'es capable de jouer. De 22 à 98 ans. Ben Bob, moi je suis bien content. Ça me donne du jus pour l'été. Bravo ton projet. On espère qu'on va une équipe à ton bout, mais peu importe. L'important c'est de le décoller. Un coup que c'est décollé, ah, après ça. Écoute, Marcel Maltais l'a essayé pendant plusieurs années, puis ça décollait pas. Fait que là, maintenant, c'est de le décoller, de bien le décoller. Quand même, si tu auras quatre équipes, quatre bonnes équipes, il n'y a rien qui empêche la deuxième année d'avoir une expansion, hein? Si on a quatre, si on a cinq, on a cinq, si on a six, on va être à même place qu'à la Ligue nord-américaine. Fait que on est capable de se partir du hockey. Puis il y en a des joueurs de talent dans la région, là, de Annie au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Des joueurs de talent, puis il y a des gars qui veulent jouer au hockey. Puis si on est capable de le faire, on va le faire. Mais le prix d'une expansion, comment ça va coûter? Bon, on ne veut pas mettre de prix encore, comme je te dis. Là, dans le fond, là, c'est juste de se donner un barème là, pour partir la Ligue, avoir des fonds. C'est la première année qu'il est parti. Si on parle de coût de franchise, là, ça peut être 2 000 $ là, on a lancé un chiffre de même l'autre jour, puis des gars, des personnes qui semblaient intéressées. 1 000 $ au début, 1 000 $ aux fêtes, puis on part avec ça. Puis après ça, mais c'est les équipes respectives qui gèrent leur budget par rapport aux portes d'entrée qui se font d'une certaine façon. OK, OK. Le pire, c'est de bien partir, puis après ça, des ajustements vont se faire. Voilà. En plein ça. Ouais. Après ça, ça roule tout seul après ça, puis ça prend des bonnes têtes de hockey, des bons gens pour bien gérer ça, puis que tout le monde soit satisfait dans le projet. Bon, ben merci beaucoup, Bob. On s'en reparle après le 28, c'est sûr et certain. Merci, Danny. Bye-bye. Bob Desjardins, peut-être le nouveau commissaire de la Ligue senior régionale.